Sur le tour du potier, l'univers se lobe, la glaise humide sous ses doigts creuse le vide, s'éprend du souffle. Le lac de cratère né d'une météorite révèle en creux les cieux. Telle un ascète, la matière médite au point central. La forme s'effile, monte le cône d'argile. D'une caresse astrale, la lumière se drape autour de l'enclos inaugural. Dedans et dehors se cherche le vent. Les cycles girent, ainsi naît le rythme. L'éternel retour, la forme oblongue se cambre sous les doigts. Née d'un sillon, la déesse en haillons gravit les marches. La courbe du bras portant l'amphore, un songe serpentin, un signe, une langue va. Et vient, accolant le vide en ondes concentriques. Le poignet maîtrise l'élan autour du pivot. Le col fin du vase s'ouvre en corolle. Ainsi s'accomplit le geste de l'artisan potier.